Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Geekorama. Bienvenue tout le monde. Hey, hey, comment ça va? Comment ça va? Ben, j'espère bien. Que vous allez bien. Parce que nous autres, là, hein, on est écœurés, là. Pourquoi ton micro est chic? Je sais pas. C'est peut-être parce que ben notre programme est très difficile à apprendre. Ouais, puis c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette intro-là. Puis ça fait peut-être une heure qu'on gosse après notre maudite... OK, hein, là, je veux pas sonner comme le gars blasé ou le gars frustré, mais là, faut comprendre notre situation, OK? Nous autres, on s'est acheté un beau kit de son pour faire Geekorama. On fait du podcasting, OK? On fait ça gratis, on le fait pour vous autres parce qu'on vous aime, parce qu'on veut de la qualité, puis on trouve ça important. Oui. Bon. Puis là, moi, je vais à Archambault. Ben, je demande à du monde, tu sais. Puis là, je demande au gars à Archambault. Puis là, t'as-tu quelque chose à popper? Puis là, j'explique ce que je fais, puis qu'est-ce que je veux faire. Fait que là, il me dit, ouais, ben, prends-toi une carte de son, pressionniste, puis tu vas voir. C'est facile à utiliser. Hey, moi, écoute, je capote, je suis bandé, j'ai les pines dures. Puis là, je dis, oui, mon Dieu. Puis là, je check le prix. Hein, OK, c'est un peu salé, mais c'est pas grave, on va y aller. Puis là, je vais voir Dom, j'explique à patente. Puis là, il dit, c'est cool. Fait que là, on achète ça. Puis là, ben, écoute, un moment donné, moi j'ai espoir, OK? D'après moi, on va finir par comprendre le principe. Sûrement. Puis sûrement qu'un moment donné, là, on va comprendre comment ça fucking marche, là. Mais, en tout cas, aujourd'hui, c'était pas ce jour-là. Puis, moi, dans le fond, tout ce que je demande, là, c'est juste d'enregistrer avec vous autres. Puis, apprendre comment que les logiciels audio comprennent quand ils sont extrêmement compliqués, puis quand on s'est fait dire que c'était simple, là. Ben, c'est long, Ouais. C'est sacrant, puis c'est ça. Donc, toute qu'une façon de commencer un épisode, je suis désolé, mais c'est comme ça. Hein? On a tout déjà sacré puis gossé après quelque chose. Ben, écoute, moi, ça me fait du bien d'en parler. C'est correct. Ben. Ça me fait vraiment du bien. Il faut relâcher le méchant. Hein, ouais, il faut que je sorte ça. Mais c'est ça. Je pense que ça représente bien ce que je ressens overall. C'est bien correct. En tout cas, on va revenir à nos moutons, hein, dans la gaieté et le bonheur. Ben oui, sinon m'en tue une couple. Bienvenue. Non, aujourd'hui, c'est notre épisode numéro 11 de Secret of Mana, yes. Sur Super Nintendo. Oui, un jeu sorti pas en 96. Non, comme tu as dit dans... comme j'ai dit dans les 98 tapes qu'on vous publiera pas parce qu'on les a toutes perdues parce que... Faut que j'arrête de m'emporter, là. Parce que ça va être sérieusement très désagréable, là. Tu sais, c'est comme, tout ce que, ouais, c'est ça, dans ce bout-là, il y a un bout de chien, là. Tu sais, comme quand on a enregistré, tu sais, on va tout faire des liens. Là, il faudrait qu'on appelle un psychiatre, puis là, je vais avoir une camisole de force, puis si quelqu'un dit le mot pressionneux, je vais me mettre à très sèchement brutaliser des gens sans aucune pitié. En tout cas, bref, Secret of Mana. Moi, ouais. J'aime ça, Secret of Mana. Moi aussi. J'aime bien ça. Très bon jeu. Mais sérieusement, non, parce que ça fait genre deux semaines qu'en plus qu'on essaye d'enregistrer. Ouais, il y a eu tellement de température de merde. Une première semaine, grosse tempête. Deuxième semaine, la glace. La glace, pis... C'est... Dom avait juste le goût de mettre des flames 3 heures tout le long de son char si ça marchait pas. C'est ça qu'on disait tantôt. Si faisait pas beau encore, là, je mettais des flames 3 heures sur mon char. Ben, des lance-flammes, puis je marquais tout le temps de mettant en haut, puis j'y allais pareil. J'aurais aimé ça voir ça. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau. T'as même que ça aurait foiré, probablement, puis j'aurais eu des swats après moi, mais c'est pas grave. J'aurais essayé. Ah, mais gars, tu sais, les chars de Twisted Metal, t'essayes pas d'arrêter ça. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, en plus, on a eu des difficultés. Ben, là, on est maintenant chez RZO. Yes. Comme vous avez pu constater dans notre introduction. Puis de toute façon, il est exclusif à ce site-là maintenant. Yeah. Donc, si vous le savez pas qu'on est là, il y a un problème. Fait qu'on est bien content. On aimerait remercier aussi toute la gang toute l'équipe derrière RZO de nous avoir accueillis à bras ouverts. C'est très gentil. Moi, je le prends comme une belle opportunité, non seulement pour agrandir notre auditoire, faire découvrir ce que je fais, ce qu'on fait, et la musique de jeu aussi. Moi, je trouve ça bien important. Tu sais, c'est ce qu'on fait principalement. Donc, un gros merci à votre gang. On va continuer de faire des efforts pour publier plus d'épisodes possibles. Évidemment, si le beau temps et certaines compagnies. Je me sens privilégié d'être. Ne font pas chier. Oui, ben oui, ben oui. C'est ça, donc sans plus tarder, je pense que on serait prêt à vous donner notre programmation en fait pour cet épisode-là. Parce que c'est ça, on a changé la formule. Au lieu d'y aller plus mélangé avec plein de jeux différents, puis tout ça, on s'est dit on va y aller avec juste un jeu, tu sais, comme là c'est Secret of Mana, puis après ça on va probablement faire d'autres jeux, puis on va voir comment ça va aller. C'est ça. Puis si les feedbacks sont bons, puis ça va bien, écoute, on continue même. Oui, j'aime parce que ça comme ça. Dom nous a confectionné d'autres épisodes qui vont s'en venir sous peu, et c'est vraiment tout sur des jeux précis. Et moi, je suis vraiment d'accord avec cette formule-là, non seulement parce que ça change, mais en plus ça vous donne vraiment leur jeu sur tout le podcast. C'est vraiment une idée. On va parler vraiment de tout ce jeu-là, on va faire vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Donc là, je commence à... on a notre programme d'en face, là, puis déjà là, j'ai de la misère à le sentir. On le surveille de près. Je suis allergique, là. J'avais des boutons à quelque part. On le surveille de très près. On le surveille de très près. Alors, c'est ça qui est ça. Sinon, à part ça, toi, Dom, je veux dire... Ça te tentait-tu de parler des jeux que tu avais joués dernièrement, une crise de guerre? Une méchante game, mais je suis pas mal dans l'indépendant. Je suis sous-estime pas mal, encore une fois. Comme toi, on joue pas mal en somme d'autres. Je t'ai dépassé dans les heures, je suis rendu à 160. C'est ça, t'es rendu plus loin que moi. Ouais. On est rendu pas mal bon. Moi, j'ai rentré dans une ligue de pro, dans une APL qu'on dit, une Awesome Lows Pro League. L'équipe s'appelle Odeer, majoritairement constituée de kids de 16 ans. Je pense qu'il y a un gars qui a 26 ans. Puis il s'appelle le Squirtle Go. Ah ouais? Ouais. Puis non, j'aime bien ça. L'expérience est pas trop stressante. On a fait notre premier match la semaine passée contre une équipe qui s'appelait Sawblade, je me trompe pas. Puis dans le fond, comment que ça marche, c'est que c'est trois rondes. La première ronde, dans le fond, si une équipe perd, on va à la prochaine ronde. Et l'équipe qui perd a le droit de choisir la map et peut bannir un personnage. Donc, après ce match-là, l'équipe qui a gagné gagne encore, ils ont gagné. S'ils perdent, c'est la troisième ronde qui décide vraiment, puis c'est, je pense, c'est encore le même principe. Donc, c'est l'équipe qui perd qui décide la map et bannit un personnage. Et c'est l'équipe qui gagne. Et nous, on a, écrasé les autres équipes. Ça n'a aucun bon sens. Ah oui, on les a vraiment détruits. Puis moi, dans le fond, j'avais Voltar. OK. Qui, pour ceux qui connaissent pas le jeu, Voltar est plus un support. Ouais. Un healer, un guérisseur, donne beaucoup de soins. Puis quand ils ont perdu, ils ont banni ce personnage-là. C'est mon main, là, tu sais. Fait que j'étais comme... Fait que là, mes coéquipiers étaient comme, OK, Dan, c'est que tu vas faire? Que, c'est pas, par exemple, tu vas jouer. Bannir un personnage, tu sais, il me semble que... Je sais pas, tu sais, t'as le doigt, me semble, de prendre ton perso. C'est pour leur donner un avantage aussi, hein, mais c'est pour, tu sais, vu qu'ils ont perdu, c'est comme un privilège. Tu sais, si ça aurait été nous autres qui avaient perdu, on aurait pu dire, moi, ce petit personnage-là, lui, il joue bien. Tu sais, je le bannis. Fait que ça nous donne une chance de gagner, tu comprends? Ouais, mais c'est ce qui fait quand même que vous êtes bons, tu sais, vous autres. Ouais, mais en même temps, ça nous force. Moi, ça m'a forcé à travailler un autre personnage. Tu sais, comme ça, je suis pas mal pris. Tu sais, oui, c'est vrai que la plupart disent que bon, c'est mon main, tu sais, moi, je travaille juste avec lui. Ben moi, ça m'a comme forcé de dire, je vais choisir un autre personnage. Comme moi, c'est Coco. Coco qui est un personnage qui est plus rapide, t'sais, qui tire de loin, tout ça. Elle est assez chiante pour certaines personnes, mais ça m'a permis, dans la deuxième ronde, de gagner avec elle. J'ai choisi Coco, puis on a gagné. Donc, on a gagné contre Sawblade. Le prochain match, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être. OK. Mais c'est ça, là, c'est cool d'être dans cette ligne de pro-là. Je t'avais invité, en tout cas, je sais pas si toi ça t'intéresse ce genre de choses-là. C'est pour ça que j'ai pas. T'avais pas l'air intéressé tant que ça, mais bon. Je suis plus indépendant là-dessus. Ouais. Mais c'est ça, mais moi j'aime bien travailler en équipe, tu sais. Puis en plus, quand on s'entraîne, c'est pas chiant. T'sais, on fait des games custom, on essaie des nouvelles affaires, puis on a l'occasion de jaser. Je jase avec les flots, là, c'est pas. C'est l'humour pipi caca, mais tu sais, les flows sont sérieux, puis ils jouent quand même bien, fait que c'est le fun. Non, c'est vraiment le fun, c'est plaisant, une belle expérience. Voilà, donc Ouais, c'est pas mal ce qui résume mon gaming en trop. Fait que, hey, sans plus tarder... On va y aller avec le programme principal. Le bloc 1. Oui. Le programme principal de ce fameux épisode de Secret of Mana. Honnêtement, là, guys, là, on vous donnera pas les bon, toute l'historique de Secret of Mana. Pour la simple et bonne raison que ça fait deux fois qu'on reprend cet épisode-là. Mm. Écoutez, on veut pas être cheap, on veut pas être quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on a hâte aussi d'entendre la musique, on a hâte de faire autre chose. Ça fait tellement longtemps qu'on veut le faire. Oui, ça fait tellement longtemps que je voulais le faire. Le mieux que je pourrais vous dire, c'est que cette série-là existe depuis longtemps, puis qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus grand-chose. Ouais, parce que Square Enix, ils n'arrêtent pas de gâcher les franchises. Ouais, je sais pas de quoi tu parles. Square Enix, gâcher les franchises. Voyons, toi, c'est nouveau, hein, ils font ça. Je sais pas, peut-être dernièrement, avec Final 6. Hein, tu mobiles, ouais, ça de même. T'as bien aimé ça, je pense. Mais sinon, on a neuf blocs aujourd'hui. On a 9 blocs à vous présenter aujourd'hui. Il y a du stock en masse, donc on va commencer right away dans le bloc 1. Et bon, là, je vais tout dire le nom de routine, parce que voyez-vous, notre superbe programme ne peut pas... En fait, quand on change de page, okay, parce qu'on est sur mon portable, et quand on change de page pendant qu'on enregistre, ben lui, il enregistre plus. Non, lui, ouais, dit, tu changes de programme, là? Hein? Tu m'aimes plus? Ben, j'arrête de t'enregistrer. Fait que c'est ce qui est arrivé tout à l'heure. On a switché à Word, Microsoft Word, avec le menu. Toutes les tunes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Puis il arrêtait d'enregistrer. Fait que là, j'étais comme... ma vie, c'est de la merde. Fait que écoute, j'ai pris des screenshots sur mon cell. Donc, on va y aller comme ça. Et prochain épisode, ben, on va savoir plus où s'en aller. Oui. Puis on va imprimer la page. Ou on va choisir autre chose. C'est la vie qui va en décider. Donc, on y va avec les premières tunes de Secret of Mana. Oui. On y va avec A Bell is Tolling, A Curious Tale et A Wish. Trois chansons que les noms ne disent absolument rien, mais que je les ai écoutées tantôt, puis c'est le début, on s'entend, là. Tu sais, c'est dans le début où ce que notre personnage découvre la fameuse épée mana, tout ça, puis s'en va dans le village, se fait bannir. Bon, on est vraiment dans le début. Et c'est des très bonnes chansons. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En effet. Voilà. Moi aussi. Fait qu'on y va tout de suite et on se retrouve dans le bloc numéro 2. Bonne écoute. Bye bye. Thank you. Hey, hey, hey! Log numéro 2, les petits amis. The Gore Train Never Stops. De le Geekorama Train. Ça va être comme... En tout cas... Ah! Ah là, le train est pété. Dans le bloc numéro 2, qu'est-ce qu'on a à vous présenter? Nous avons la première chanson qui est Calm Before the Storm, qui fait une référence probablement à une séquence du jeu, je sais pas. Je sais pas si ça dit quelque chose. J'allais passer le jeu, mais ça fait un méchant bout. Puis le pire, c'est que je l'avais fait, je pense, à 100%. J'avais même boosté mes magies au bout. Ah ouais? C'est pas ce tune-là, mais il y a une tune là-dedans parce que j'avais farmé toutes mes magies. Parce que là-dedans, le système de magie, c'est que ça commence, mettons, à 1.00. Fait que là, mettons, tu fais ta magie une fois 0.8, ça va jusqu'à 16, ça monte tout le temps. Fait que plus t'as fait, puis plus elle augmente de niveau. Ouais, c'est pour ça que faut toujours que tu te mettes à jour, puis tu trouves une ville pas loin, puis tu farmes tes magies. Ça, c'est sinon, t'as parce pendant les boss. Si t'es fait pas, tu vas te faire, faire laver, puis rendu à 9, là. C'est 9.00, tu peux aller jusqu'à 9.99, puis ça y va de 1 à la fois ou 2. Fait faut que tu fasses ta magie, genre, au-dessus de 50 fois pour l'atteindre au bout, puis ça fait de quoi de spécial? Non, ouais, c'est assez long, mais je l'ai fait. Ouais, toi, t'étais mongol de même. Oui. Non, mais sans joke, non, moi aussi, j'ai été un farmer très actif dans le temps que je jouais beaucoup, entre autres Final 6. Mais non, c'est le fun parce que, en fait, c'est carrément nouveau. Il me semble que j'ai jamais vu ça, ce système de farm-là avec les magies, où ce que t'as des espèces de statistiques dans la magie, puis au fur et à mesure que tu l'utilises, c'est vraiment très innovateur. Je pense que c'était nouveau, ça, à l'époque. Donc, on a Calm Before the Storm. Ensuite, nous avons Ceremony. Et Danger. Danger, je pense que c'est une toune de boss. Oui, c'est la toune de boss. C'est la toune de boss. Oui. Très frénétique, très... C'est dangereux. Là. C'est, tu l'entends, c'est comme, oh, je suis dans la merde. Là, elle te garde dans l'adrénaline. T'es dans la marde. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, ben, on vous souhaite une bonne écoute et on s'en revient au bloc 3. Oui. We'll be right back. Et nous sommes de retour encore une fois. Bloc 3. The Gore Train Never Stops. Donc, le bloc 3, nous avons Flight into the Unknown, voler dans l'infini. L'inconnu. Et ça, je sais pas si ça fait référence avec un bout du jeu où ce que tu t'as la créature volante. Ouais, le dragon, c'est quoi son nom? Je m'en Flappy? Souviens pas. Non, Flappy, c'est pas un des beaux frères à Sleepy dans Star Fox. Ça se peut. Wow, je regardais Dom en voulant dire, oh boy, c'est je m'attendais pas une référence à Star Fox. non, honnêtement, j'en ai aucune crise d'idée. J'ai aucune idée de son nom. Même dans 5 ans, Densetsu 3. Je suis pas sûr que c'est ça. Il y a un nom, mais je m'en rappelle, fuck all. I won't forget, ce qui est pas le cas pour nous autres. Parce qu'on a forget le name de... Vous l'appelez même les blocs qui nous parlent. Ben oui, c'est ça. Ici, vous faites. Oui, I won't forget. Alors moi, je vais l'appeler Flappy. Parce que je trouve ça beau, Flappy. Tu sais, ouais. Me semble, c'est le nom d'un gros dragon rose que tu peux te promener d'un bord pis l'autre. D'ailleurs, juste un petit aparté de là-dessus, c'était quand même assez hot, là, en même temps, hein, tu sais, Moi, j'ai toujours trippé dans les finales quand t'as un ship, t'as un vaisseau, t'as promené, genre, open world. Tu peux voir toute la map, là, pis tu peux aller où ce que tu veux. Ça, c'est le fun. Ça, j'aime vraiment ça. Non, c'est vraiment cool. Puis les jeux de SNES, pour la plupart, c'était cool de même. C'était jamais ben compliqué, mais quand on a le temps de se promener dans le décor, pis tu donnes ça dans la map, là, c'était vraiment nice. Mm. Ensuite, on a Into the Thick of It. Et... comme le nom de cette toune le dit, nous allons drette là. C'est dans le début, ça. C'est normalement la toune. Oui, cette toune-là, je pense c'est dans les premières tounes que tu entends quand tu quittes le village. Ah, je savais pas. Oh, oui, c'est, je me rappelle quand tu combats les petits lapins pour la première fois. Ouais. Oh, oui. Donc, on s'en va en musique là-dessus. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Ah, OK, oui, oui. Oui, the gore train never stops again. Ça va, Dan? Oui, j'étais vraiment confus. Mais en fait, je me disais, est-ce que le bloc 3, je l'ai confondu avec le bloc 4? Et oui, effectivement, je l'ai confondu. Ça va pas bien, hein? Non. OK, je suis vraiment désolé. on va se réajuster. Ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas podcasté, puis on est sous l'effet de Presonus. Donc, on va... je m'excuse. Le bloc 3 avant, checkez sur le site de RZO au pire, si vous voulez vraiment le nom. Je vais vous les dire rapidement, là, pour ceux qui ont un peu de moutarde au nez. La première, c'est Did You See the Ocean, Distant Thunder et Eternal Recurrence. Donc ça, c'est pour le bloc 3. On va maintenant dans le bloc 4 que vous venez juste d'entendre. Fait que ça donne absolument rien que je leur dise. Bonne écoute! Numéro 5. Maintenant, on y va avec Monarch on the Shore, The Wind Never Cease et Phantom and Roses. C'est des beaux mots, pareil. Oui, c'est vraiment c'est très poétique. Oui. Mais moi, rendu là, je vais te dire, je sais pas dans quelle partie. Parce que juste le jeu, là, je l'ai arrêté parce que je l'émulais dans le temps, le premier. Puis c'était dans un bout où il y avait comme une espèce de manoir hanté. Puis je me faisais attaquer par des chaises. Ok, je me souviens d'un. En tout cas, bref, souvenir de ça. Puis je me suis fait péter à la gueule, puis je me suis dit, fuck off. Petit jeu de merde, je t'arrête là. Excuse, t'as-tu nommé Cérémonie tantôt? Mais on l'a pas encore fait. Il était dans le bloc 2, Cérémonie. Ok, ouais, c'est ça, mais je pense que Cérémonie, c'est dans ça. C'est dans cette place-là. Il y a une musique vraiment. Si c'est celle que je pense, ça, c'est fucking creepy. Oui, mais ben, quand on l'avait écouté tantôt, ouais, c'est ça. Ça ouais. faisait penser à, je sais pas, un bal d'horreur. Là, ah ouais, c'est vraiment creepy. C'est ça. Mais non, c'est ça, j'ai vraiment arrêté à cette place-là. Donc, okay. Le jeu en tant que tel. Je ne connais pas sa fin, je ne connais pas. Tu sais, j'ai pas eu à avoir d'autres personnages encore. Donc, il aurait peut-être fallu que je ferme mes magies. C'est peut-être ça le problème. Ouais, ben, ça, je m'en suis rendu compte à un moment donné parce que je trouvais ça pas faisable. Là, que quand j'ai compris le système de magie étant plus jeune. Ouais, c'est assez bizarre. J'ai misère avec mon anglais, mais quand j'ai compris ça, là, oh, ça allait bien. Ça n'a pas été long que t'as clenché. Ah oui. Mais c'est-tu pareil avec les attaques? Tu sais, quand t'attaques pis tout ça, c'est le même principe? Je pense que non. Ça y va avec les, je pense les sphères, levels, ouais. Je pense que ça, ben, les sphères, parce que pour augmenter, pour upgrader certaines armes, ça te prend des comme des pierres. Ok. Ouais. Ouais. Eh ben, en tout cas. Faut que t'ailles voir les, je pense que les nymphes, pas trop, là, c'est dans, ouais, c'est une forge. Un peu dur, ouais, c'est ça. En tout cas. Mais bref, tu sais, comme moi, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais là-dedans. T'sais, c'est sûr que les RPG, je suis rendu pas mal meilleur, là, mais me faire massacrer, ça a été dur pour mon ego. Je pense que le dernier jeu que j'avais fait dans le temps, c'était Chrono. T'sais, j'étais comme dans un buzz émulateur, où ce que là, j'avais fait toutes les... J'avais goûté à la crème de la crème, puis j'essayais d'aller chercher ce qu'il y avait de meilleur, t'sais, de vraiment de best, puis j'ai jamais été capable de toute façon. Fait que bon. Là, on est dans le bloc 5. On va revenir dans le bloc 5. On y va avec la première chanson qui s'appelle Monarch on the Shore. J'ai vraiment l'impression que je les ai déjà dit. Je les ai pas dit au début, me semble. Oui, je les ai dit. Je les ai dit genre vite, puis là on a entamé une discussion. Ok, c'est bon. On y retourne. Allez les écouter là. We'll be right back. Hey, bienvenue au meilleur podcast que vous avez écouté depuis longtemps. C'était le temps qu'on recommence, hein? Oui. Sérieusement, je suis vraiment désolé. Je suis très mauvais animateur. C'est pas grave, Dan, on te pardonne. Je me pardonne aussi. Je suis désolé. Bon, écoute, je vais essayer de me reprendre cette fois-là. On va faire une belle présentation. Du bloc 6, on a en premier, on a prophétie. Hein, on aime le mot prophétie. Oui, on prophétie. Le trouve beau, on le trouve gentil. Il est fin, il est smart. Ensuite, on a Secret of the... Mais non, pas Secret of the Mana, Secret of the Arid Sands. Et j'en déduis que c'est dans le sable, mais sûrement. Comme je te dis, je sais pas. J'ai déjà vu des screenshots, par contre, plus tard, évidemment, du jeu. Les décors pis tout ça. Je sais qu'il y a un bout qui se passe justement dans le sable, exactement comme le troisième. Mais j'ai jamais vraiment joué, donc je pourrais pas dire. Toi, y a-tu des souvenirs qui te pop? Non. Non, pas en tout. Bon. Je suis vraiment pas c'est pas grave. Il a fallu que je le refasse récemment, mais ouais. C'est ce que je n'ai pas fait. Mais c'est ça, ben moi je l'ai racheté, mais faute de temps, je l'ai jamais vraiment fait. Ah, c'est pas grave. Fond. Mais c'est ça. C'est tout le temps un jeu qui serait le fun à refaire, mais un peu comme le troisième que t'as acheté à quai. Ben, tu sais, faut avoir le temps. Puis des RPG, ça se passe pas en 10 heures. Là. Non. T'sais, ça se passe en un très gros laps de temps. On a The Spirit of the Night. L'esprit de la nuit. L'esprit de la nuit. Et on va écouter ça direct là. Oui. We'll be right back. Et le bloc 7. Oui, numéro 7. Là, j'ai... Qu'avons-nous au bloc numéro 7, Dan? Qu'avons-nous? Eh bien, en première position, nous avons The Color of the... Et là, mon iPhone est vraiment, mais vraiment pas très éclairé. Je vais juste essayer de l'éclairer un petit peu plus. Tu l'avais dit, photographier plus que ça. N'écoute pas! Bon, on va zoomer. Ça devrait bien aller. Il n'y a pas de problème. The Color of the Summer Sky. Le couleur, la couleur du Woohoo! Ciel d'été. Ce qui est vraiment très joyeux. Ouais, c'est ce qui n'est pas notre cas en ce moment, parce que c'est l'hiver par chez nous. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. J'ai un poster, j'ai un sticker de Pressonus devant moi, fait que c'est loin d'être l'été. Hein, parce que l'été fait chaud, on est heureux. Hein? On aime ça, l'été. Ensuite, on a The Dark Star et The Legend. Évidemment, c'est toutes des choses qui nous disent absolument rien. Exactement. Et on va vous faire écouter le tout. Ride Away! Yes! À tantôt. Bloc 8, le dernier. Le dernier. Alors, c'est un bloc de 4 chansons maintenant qu'on va vous offrir. Nous avons What the Forest Taught Me. T'sais, qu'est-ce que la forêt m'a appris? Dans le fond, la forêt, il a probablement appris de pas ramasser des épées magiques dans le bois, de varger des petits lapins, parce que sinon, tu te fais colfier dehors de ton village, de façon vraiment cruelle, en plus, là. Mm. On s'entend, là, ils ont pas pris de grand plan. Tu sais, ils ont fait comme, bah là, toi, là, t'as eu l'innocence d'un enfant, tu sais, c'est pas de ta faute, là. Mais là, vu que t'as réveillé des démons, puis ben, va-t'en. Puis ben, c'est ça. Arrange-toi que t'es trop. Ouais. Nous autres, on va rester dans le village. T'as tiré l'épée, là, ben, t'as pas le choix, faut que tu combattes le mal, puis tu peux tout. Puis tu sais, eux autres, ils faisaient quoi, là, pendant ce temps-là, tu sais, je veux dire. Le village a fucking eu un trou avec une grosse mante religieuse qui a manqué de tuer un enfant, puis lui, il l'a sauvé. Il y a personne qui l'a remercié. Ils ont juste comme fait, ben, des Chris. Ouais. Ils sont gentils. Ben, une chance qu'on a un bon cœur, qu'on veut sauver le monde. Moi, je peux jurer qu'ils auraient tous mangé un nasty char de mante. C'est comme, ah ouais, vous m'avez laissé, hein, tout seul, all alone, avec une épée magique, j'ai de la misère à me servir, puis j'étais un kid. Fuck you, je changerais pas le monde, certain. Mais évidemment, les concepteurs de jeux vidéo, les scripteurs sont plus gentils que moi, parce que moi, ça aurait pas été beau. On a The Second Truth from the Left, donc la deuxième vérité à gauche. Je comprends vraiment pas le nom de ce truc-là. Non plus. Leave Time for Love. Oh, attention, on a un petit peu d'amour là-dedans. Je sais pas si notre personnage principal tombe en amour. Je me rappelle pas. Je pense pas. Mais je sais que cette tune-là, c'est la tune du dernier donjon. Ah ouais? Dernier, c'est vers la fin. C'est avant le boss final. Ouais. Ah, c'est nice. Oui. Donc, ensuite, on a Meridian Dance. Ouais, ça, c'est la tune. Danse méridienne. Ouais, c'est la tune du boss final. Oh, nice. Ouais. Fait qu'on va avoir des belles tunes très énergiques que vous présenter direct là. Et ça y va direct là. Oui. Thank you. Et c'est la conclusion. Et oui, cette conclusion. Cette fameuse conclusion. Écoutez, très chers auditeurs, on s'excuse vraiment. Vraiment. Oui. Moi pis Dom, on peut certifier. Ça a tellement pas été comme on voulait. Non, ça a pas de sens. Bien. C'est tellement de complications pis d'imprévus. Tout croche. Ça a pas d'allure. Pis là, t'sais, pis là, t'as inversé un bloc, fait que là, on fait, si l'inverse de bloc là, si on arrête le programme, ça va tout foirer. Fait qu'on on continue parce qu'on va encore pogner, gosser une demi-heure. The gore train never stop. Ouais. On n'a pas le choix. The show must go on. Écoutez, c'est notre premier show de 2014 et c'est notre premier show depuis quasiment 2 mois. Ouais. On va se rattraper. On va se réajuster. Hey, puis en passant, bonne fête, Gikorama. Enfin, t'as eu un an au mois d'octobre. Ouais, ben je pense que c'est le 31. 31 octobre. Ouais, bonne fête. Bonne fête, petit show. On fête Gikorama. Continue comme ça. Ouais, on aime ça. C'est le même qu'on aime ça. Mais non, sincèrement, je suis très content d'avoir fait ce projet-là. Ouais. Mais là, on va revenir. On va revenir en force. Là, écoutez, on se finit le niaisage. On va vous donner du contenu. On a des épisodes déjà écrits qui n'attendent qu'à être écoutés. Et oh oui, des bons jeux, des bons épisodes. Ah oui, ça va être excellent. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne soirée, et en espérant que vous ayez quand même aimé l'épisode. Ouais. C'est très important. Ça a été très vraiment court. Disons qu'on n'a pas eu de genre de temps que ça, mais on voulait, disons, on voulait faire sortir le méchant et l'épisode en même temps. Ça s'est fait assez rapidement. Mm. Et donc, comme à l'habitude, pour ceux qui sont nouveaux, là, je vais m'adresser à ceux qui n'ont jamais écouté Gikorama. Ben, première des choses, j'espère encore là que vous avez apprécié. Et n'oubliez pas qu'on a un Facebook et un Twitter. Oui. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être un peu plus proche de mon auditoire en 2014. Ouais, sur Twitter aussi, il faut en plus souvent. Ouais. Et voilà. C'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que Dom dit toujours ça. C'est vrai. Année, il va le faire. On le sait pas quand, mais il va le faire. Voilà, c'est en 2014 quand même, là. Faut que je prenne des résolutions. Non, mais de toute façon, moi, je suis plus vraiment actif non plus sur Twitter. Je le suis beaucoup plus sur Facebook, et encore là, moi aussi, faudrait que je le sois. Ouais. Mais bon. Donc, c'est ça, comme je le disais à nos nouveaux auditeurs, en espérant que ça a été un épisode qui vous a plu au niveau de la musique. Et là, c'est à votre tour maintenant de nous donner vos suggestions. Donc, étant donné que le format change, c'est à votre tour d'aller nous dire « Hey, bon, j'aimerais savoir tel jeu ». Évidemment, les classiques reviennent toujours. Oui. On a Mega Man, Final Castlevania. Tous ceux qui ont une soundtrack très bonne, inquiétez-vous pas, on les a vus. Mais allez, donnez-nous des suggestions. T'sais, comme nous autres, on a l'intention de faire un spécial jeu indépendant. Parce qu'il y a vraiment de la musique très, très solide. Et il y a beaucoup de jeux. Mais est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y a un jeu en particulier que vous voulez écouter? On veut le savoir. On veut le savoir. C'est très important pour nous parce que c'est comme ça qu'on va construire nos épisodes. Et c'est pour vous qu'on le fait. C'est pas pour le voisin, là. Parce qu'il y a encore une liste. Voisin, il y a des tonnes dans la liste de suggestions. Il y en a qui sont en banque. C'est en demande spéciale. Donc, on peut faire un épisode de demande spéciale numéro 2. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ça le faire. Puis, je suis sûr que vous autres aussi, vous avez trippé. Écoutez vos demandes spéciales et les demandes spéciales des autres parce qu'on découvre de la musique tous les jours. Vous en faites découvrir beaucoup, beaucoup. Et exactement. On aime ça. Donc, très chers auditeurs, on s'en va avec la musique de fin, qui se trouve à être encore un nom que je ne connais pas du tout. Now for Flightness Wing. Ouais, ça ressemble à ça. C'est ça. Non. Et sur cette... Merci tout le monde d'avoir été là. Sur cet anglais, pas sûr. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Bye. Bonne semaine.